Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast sur la NBA. On continue notre marathon des previews, la saison ça reprend le 25 octobre, on y est bientôt. Miguel et moi, on s'occupe de la conférence Est, nos potos Gus et Vince de la conférence Ouest. Miguel, comment ça va? Écoute, ça va super, et toi comment tu vas? Bah écoute, comme d'hab, je bouge pas du canapé, mais ça va. On se remet tranquille. Les grandes blessures vont remède. On va être sur une preview, moi perso, d'une équipe qui me plaît, une équipe qui m'intéresse. On va parler des Brooklyn Nets. Je te laisse envoyer le récap. Les Brooklyn Nets, l'année dernière, hein, on était à peu près au niveau des anges de la télé-réalité. Hein, on était sur NRJ 12. Exactement. On pouvait voir les matchs sur NRJ 12. C'était vraiment intéressant. en clair. Là, la saison. Bon, ils finissent en 45 victoires qualifiés en play-off. Ouais. Mais clairement, on a une saison on a eu tout. On a commencé la saison avec du Kevin Durant, du Kyrie Irving, coaché par Steve Nash. Spoiler, la fin de saison, plus personne. tout le monde se plaignait. Moi, je veux pas qu'il me coach. Non, mais moi, je veux pas coacher ce joueur. Bon, tout le monde a dégagé. Sean Marks, pas dans la demi-mesure. Ah non, il n'y a pas que ça à foutre, je pense. En termes de coach, Jack Vaughn qui était là pour assurer l'intérim, mais finalement ils l'ont gardé. Au final, ça fait le taf. Ça a fait le taf, donc clairement on l'a gardé. Et alors au niveau de l'équipe, hein, parce que tu commences forcément avec Kevin Durant, donc ça prend pas mal de victoires en début de saison. T'as les blessures forcément qui arrivent. C'est un peu parti. Au mois de janvier, on parle d'eux comme étant parmi les favoris au titre. Durant, il se blesse tout au début du mois. C'est peut-être le 9 janvier, je crois. J'ai plus la date, mais c'est un truc comme ça. Hop, terminé. Ouais, saison. Et pire, c'est que Durant nous faisait un début de saison MVP. Donc là, vraiment, ouais, je pense qu'on les voyait tous aller jouer le titre. Mmh. Et les blessures qui arrivent, et là, c'est gros drama. Et ça demande les transferts. Et les Nets qui s'en sortent quand même plutôt bien. Je rajoute à ça, hein, je me permets, les petites casseroles au cul à côté Kyrie Irving, avec des petits tweets qui sont un petit peu hors contexte basket et qui ont un petit peu rien à faire ici. Donc, bonne ambiance côté Brooklyn de ce côté-là également. Ouais, non, je pense qu'il n'y a rien qui allait. Mais du coup, ouais, je pense qu'on va parler de Mikal Bridges parce que c'est la grosse arrivée. Je pense s'attendait pas à ça, je pense. Attends, on va le refaire dans l'ordre chronologique. Du coup, mois de janvier, on parle d'eux en tant que contenders. Durant se blesse, Irving, il veut plus jouer à Brooklyn, il se fait trade à Dallas. Du coup, Durant veut plus jouer à Brooklyn, il se fait trade aux Suns. On tombe sur une toute nouvelle équipe. Donc, en effet, arrivée de Mikal Bridges, plus plein d'autres. Hein. Plus, pour pas les citer, mais Mikal Bridges, qui aux Suns avait un rôle plutôt... le rôle défensif, qui est, on va dire, vraiment la personne... Le rôle de l'ombre. Rôle de l'ombre. Mm. Et en fait, qui s'est révélé être un très très bon joueur de basket. En fait, il s'est révélé être Paul George. Un peu, ouais, c'est exactement ça. J'abuse un peu, mais on n'est pas si loin, quoi. Hein. Mais ouais, non, on n'est vraiment pas si loin. Et on pensait vraiment à ce moment-là que avec tout ce changement, les Nets allaient justement... redescendre au classement, même s'ils étaient très bien partis, ils étaient quand même assez haut à ce moment-là, mais ils ont réussi à maintenir le truc, et ils qualifient en play-off, direct, et c'était pas démérité, clairement. Non, très clairement. Hein. Et ils nous ont montré de belles choses, notamment un petit Cam Thomas, qui a eu un petit coup de chaud pendant quelques jours, pendant une petite semaine. Ouais. Il nous fout 109 points en 3 matchs, tranquille. Ouais, d'ailleurs, un peu surprenant parce qu'il cale 109 points en 3 matchs et puis après il est plus tellement utilisé donc ça envoie des matchs à 40 pions et puis après ça repart sur ses basiques à 12, 13, 15 points. Un peu surprenant. Ouais, je pense qu'il il a dû avoir un petit date cette semaine-là et je pense qu'il avait besoin de prouver des choses. Ouais, c'est possible. Et ouais, alors du coup, Brooklyn, ça arrive donc en playoff, et au premier tour, ça affronte les Sixers, et malheureusement, il n'y a pas eu match 4-0. Le coup de balai. Le coup de balai, même s'ils se sont très bien défendus sur leur match, mais il y avait clairement un écart de niveau. C'est assez logique en vrai. Hein. Ouais, Harden qui s'est bien amusé à sortir les Nets. Donc voilà un peu pour le. Assez logique le coup de balai, mais ils n'ont pas démérité. On n'était pas non plus sur des matchs. Enfin, ils n'ont pas été ridicules dans le flip. Mais voilà pour le recap. Assez mouvementé. Ouais. Donc ensuite, cet été, Free Agency. On a du coup l'arrivée de Dennis Pitch Jr., Lonnie Walker, Darius Baisley. À la draft, on va chercher Noah Clooney et Darik Whitehead. J'avoue que c'est pas des rookies que je connais, donc je saurais pas tellement en parler. On prolonge Cam Johnson, 95 millions sur 4 ans. C'est loin d'être ridicule. Enfin, surtout pour le tarot, quoi. On est sur un peu moins de 25 millions la saison, en sachant qu'il me semble que c'est en progressif. Donc, ouais, c'est pas ridicule du tout. Et du coup, en départ, on a Seth Curry et Joe Harris. Ça, c'est deux noms qui font un peu chier parce que, bah, en fait, surtout Seth Curry, on était bien content de l'avoir pour le spacing. On a Patty Mills, Yuta Watanabe, Edmond Summer qui partent. Donc, on a quand même des départs importants. On a des bonnes arrivées, mais il y a aussi des gros départs quand même. Tout ça, ça va permettre de venir équilibrer l'équipe, évidemment. Mais surtout, dans le départ, le truc le plus notable, c'est enfin, du coup, Energy 12 qui part de Brooklyn. La télérité, ça dégage. Parce que c'est bien beau d'avoir des gros noms comme on avait. En fait, c'est bien beau d'être contender avec des gros noms. Je trouve que c'est plus intéressant d'être compétitif avec l'équipe qu'ils ont actuellement, quoi, avec plein de petits noms, mais qui savent jouer au basket et qui savent ce qu'ils ont à faire. Bah clairement là on a vraiment une équipe qui va vouloir jouer au basket et vraiment se focus là-dessus. Ouais. En fait, c'est ça, ils ont récupéré plein de petits joueurs qui ont besoin de trouver, qui ont faim. Et en fait, bah, quand tu mets, même si t'as pas de grandes stars, l'équipe elle est très correcte. Et moi, hâte de voir cette nouvelle saison et une saison complète de cette équipe là. Parce que clairement, l'année dernière, c'était vraiment. Il y avait deux parties quoi. En espérant qu'ils gardent la même équipe du début de la saison jusqu'à la fin quoi. Après, tu peux faire quand même des petits ajouts parce qu'en soi, ils ont quand même énormément. Ils ont un roster, je pense, qui leur permettent de faire de trades assez sympathiques. Ouais, absolument. Donc, puis en plus, ils ont fait des ajouts très réfléchis. Dennis Smith Jr., ça défend bien. Cam Johnson, qui a été prolongé, il shoot bien à 3 points, ça défend. Ça peut même driver un peu quand il faut. Non, en vrai, c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont. Hein. Pour le coup, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En parlant d'intelligence. Ouais. Est-ce qu'on parlait pas d'un joueur un meneur meneur arrière ailier un mec de 2 mètres plus de 2 mètres là, un grand. Un grand australien, ouais. Ouais, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé du tout encore de l'épisode. Je sais même plus comment il s'appelle, ça fait tellement longtemps que alors pour tout le monde parce que peut-être vous avez oublié mais Ben Simmons joue bien au Brooklyn Nets. Alors, je pensais que tu allais dire joue bien au basket. Non. On est quand même sérieux dans ce qu'on vous raconte. Ouais. Bah ouais, il avait été récupéré dans le trade avec James Harden. On l'a quasiment pas vu jouer la saison passée, mais pourtant il fait quand même 7 points, 6 rebonds, 6 passes, donc c'est pas ridicule pour le peu qu'il a joué, mais je pense pas que ce soit vraiment notable. En tout cas, là, il a annoncé être en pleine forme physique. Alors, je sais pas ce que c'est de son côté psychologique, parce qu'on sait qu'il avait une période où psychologiquement ça allait pas. Mais en tout cas, il a dit qu'il était en pleine forme physique. On a même vu une vidéo de lui lors d'un entraînement à Brooklyn, torse nu en train d'enfiler les 3 points. Bon, il en enfile 2 ou 3, mais quand même. J'ai même vu, alors moi, une petite vidéo qui était assez sympathique où il a croisé un fan qui avait un tatouage de la tête de Ben Simmons. Ah, j'ai pas vu ça. Et je peux te dire que même lui était choqué en mode « Mais mec, t'es sérieux ? Pourquoi t'as fait ça ?» Non, franchement, il faudrait que je retrouve cette vidéo, elle est incroyable. Moi, j'ai une grosse question autour de lui, là. Et d'ailleurs, c'est, je pense, la plus grosse question autour de Brooklyn. Comment est-ce que tu fais jouer Ben Simmons dans le roster qu'on a là ? Et quel rôle tu lui donnes ? Ouais, parce que je pense qu'il y a une question de rôle et une question de poste, parce que en soi, on sait que c'est un joueur, tu peux le mettre un peu partout. Là, je pense qu'aujourd'hui, il va être utilisé comme meneur. Maintenant, est-ce qu'il a une place dans le 5 majeur on va parler du 5 majeur. Pour moi, dans mon 5, j'ai Spencer Dinwiddie et Mikal Bridges sur les postes 1 et 2. Spencer Dinwiddie, c'est un meneur naturel, il fait les rotations, il peut shooter, plutôt pas mal. Mikal Bridges, c'est entre guillemets le franchise player de l'équipe, donc il est forcément sur le terrain, et puis vu le niveau qu'il a, tu le fais jouer. Tu peux pas encore faire jouer un parce qu'il a pas encore le dribble qu'il faut. J'espère qu'il va progresser dans le domaine. Mais pour moi, il peut pas tellement jouer meneur. Par contre, en termes de prise de décision, etc., ça, il peut clairement le faire. Donc en poste 2, c'est parfait. Et ensuite, sur le front de courte, perso, j'ai Cam Johnson, Dorian Finney-Smith et Nick Claxton. Nick Claxton qui peut protéger l'arceau, qui apporte de la défense et du rebond. Dorian Finney-Smith qui défend et qui peut apporter du spacing. Et Cam Johnson qui peut t'enfiler les filoches, qui crée du spacing, c'est parfait. Non, là-dessus, je suis d'accord. Pour moi, il y a quand même une question qui se pose sur le poste 1. Parce que Dinwiddie, on sait très bien, il nous l'a déjà montré, qu'il peut être 6ème homme et qu'il peut faire le taf. Absolument. Maintenant, en fait, ça va dépendre de ce qui est le mieux. Est-ce que tu laisses Ben Simmons en sortie de banc avec la seconde unit et c'est lui qui va être, on va dire, le patron de cette seconde unit? Est-ce que moi, tu je lui pense laisses que dans un premier temps, ouais. Moi, j'ai envie de voir, mais Je me dis que, de toute façon, tu le vois dans son style de jeu depuis qu'il a, il a rejoué avec les Nets. Il est beaucoup dans le jeu sans ballon, faire des passes, il va pas vraiment scorer, sauf si vraiment il est tout seul face au panier. Est-ce que c'est pas plus intéressant, justement, que t'aies Mikal Bridges sur le terrain en même temps pour essayer de lui servir des petits caviars, quoi? Bah ouais, je suis assez d'accord, moi je trouve ça intéressant. Ben Simmons et Mikal Bridges, je trouve que c'est complémentaire parce qu'en fait, Ben Simmons, il sait dribbler, donc il peut remonter ton ballon. Il comble les lacunes que Mikal Bridges, du coup, il a au niveau du dribble. Et derrière, avec la taille qu'il a, en fait, il peut venir apporter de l'aide à Mikal Bridges en tant que gestion de balle. Et derrière, en fait, ça peut venir attaquer à deux. Ben Simmons, il est grand, ça peut taper un pic, venir rouler jusqu'au panier. Mikal Bridges, Ben Simmons, je pense qu'ils peuvent bien se trouver. Si Ben Simmons n'y arrive pas, il peut ressortir sur Mikal Bridges, un petit shoot à mi-distance. Enfin, il y a de la complémentarité entre ces deux mecs-là, et je trouve que c'est plutôt intelligent. Après, est-ce que Ben Simmons, c'est un mec que tu as envie de faire jouer en 1? Je sais pas. Je sais pas, j'en entends beaucoup qui disent comme quoi son vrai poste, c'est plutôt ailier, voire ailier fort. Je trouve pas ça ridicule, parce qu'avec la taille qu'il a, le mec est costaud. Il défend bien. Et ils défendent surtout super bien. Ouais. Moi, je pense que la première chose à faire... Moi, je pense qu'au mois d'octobre, Ben Simmons, il est dans la seconde unit. Parce qu'il faut lui faire reprendre confiance petit à petit. Et il faut voir ce qu'il vaut. Et il faut voir comment est-ce que tu l'intègres dans ton équipe. Est-ce que vous voulez le faire jouer meneur? Est-ce que tu vas plutôt le faire jouer ailier fort? Il va falloir voir ça avec lui. Parce que c'est pas dit que lui, il a envie de jouer ailier fort, par exemple. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a toute une phase d'adaptation à voir comme ça. Par contre, au mois d'avril, je pense que Ben Simmons, il est titulaire. Mais par contre, je ne sais pas te dire sur quel poste il joue. Bah, sur le meilleur poste qui va lui correspondre. Ah bah oui, ça c'est clair. Je pense que Jacques Vaughn, il aura tenté des choses dans l'année et bah, j'espère qu'il trouvera la solution. Ah ouais, ça c'est clair. Par contre, quand tu as Mikal Bridges et Ben Simmons pour commencer un match, et bah, défensivement, moi je trouve que c'est loin d'être dégueu. Hein. C'est ça, je pense que... pour ceux qui aiment bien les paris, misez des petits under au premier quart-temps, parce qu'il y a de très grandes chances, ça marque pas beaucoup de paniers. Hein. Ouais, grave. Ah ouais, de ouf. De ouf. Bon spot. Là, on est sur du pari intéressant. Ouais, je suis bien d'accord. Quelque chose d'autre à ajouter ou pas? Moi, j'ai bien envie de parler aussi un peu de Nick Claxton, qui, me semble, c'était un peu ton poulain au MIP l'année dernière. C'était le MIP de David, c'était pas le mien. Ah, c'était pas le tien. Ouais, c'était un peu le MIP, c'était le poulain de David. Ok, mais en vrai, c'est big up à toi, mon Dave. Big up. Non, franchement, moi j'étais grave intéressé par ce qu'il allait faire. Il a montré de très belles choses. Déjà, une très belle coupe de cheveux. mais non, franchement, il a été très bon. Moi, j'attends de voir encore. J'attends de lui encore plus. Je pense qu'il peut faire encore plus. Et moi, j'ai hâte de voir cette équipe-là, en vrai, d'une équipe sans vraiment de superstar, quoi. Oui, complètement. Moi, Nick Claxton, en fait, on l'avait vachement remarqué quand il jouait avec James Harden à Brooklyn et que Irving Durant ne jouait pas parce qu'ils étaient blessés ou alors il y avait des soucis de vaccin Covid ou ce genre de trucs-là. Donc, que James Harden, il jouait un peu solo dans le trio de tête des Nets. Il y avait Nick Claxton qui sortait du lot parce qu'en fait, avec James Harden, il se trouvait vachement bien sur pick and roll et en fait, il faisait vachement bien le taf. Donc, quand tu trouves un mec correctement sur pick and roll qui marque 15-16 points par match et que derrière, c'est celui qui prend 8 ou 9 rebonds et qui protège ton anneau, bah ouais, en effet, ouais, il a beau être jeune, ça reste un mec intéressant, quoi. Donc je le trouve pas très épais pour un poste 5, mais n'empêche qu'il fait le taf. Il fait le taf, j'attends de voir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je pense qu'il va nous faire une très bonne saison. Ouais, ouais, moi, non, mais moi, de toute façon, j'ai beaucoup d'espoir sur cette équipe de Brooklyn. Je trouve qu'il y a beaucoup de noms. En plus, il y a pas mal de profondeur de banc. Tu vois, là, on a parlé du 5 majeur. Mais derrière, bah, tu vois, on a Lonnie Walker qui peut sortir du banc pour apporter du shoot. Tarius Bazley qui peut faire la même chose. On a des mecs assez intéressants dans tout l'effectif. C'est deep. Il y a de la profondeur. Il y a tout ce qu'il faut. À la rigueur, c'est juste Jack Vaughn peut-être qui va peut-être comment dire, rendre le plafond un peu trop bas, parce qu'on n'est pas sur le coach était sérieux, mais on n'est pas sur le meilleur coach de la ligue. Mais ouais, il y a matière à faire. Ouais, il faut voir ce qu'il va donner. C'est vrai qu'il a, c'est peut-être, oh, bah, c'est un des coachs qui a le moins d'expérience forcément. Mais moi, ouais, non, on verra bien. Moi, j'ai une autre question pour toi, Migos. Ouais. Pour toi, Mikal Bridges, est-ce que c'est la pièce maîtresse d'une équipe Contenders? Ah, c'est compliqué parce que on sait qu'il est qu'il peut être pièce maîtresse depuis l'année dernière. Parce que avant ça, honnêtement, je pense que personne n'aurait misé dessus. Okay. Mais quand tu te rends compte que bah, le mec, c'est grossièrement le meilleur joueur de l'équipe. Bah, c'est très propre ce qu'il fait. Est-ce que. Voilà, faut qu'il confirme, mais je pense que c'est le meilleur jeu de l'équipe. Hein. Je pense, il faut qu'il confirme, je pense qu'il va confirmer. Maintenant, est-ce que là, de là à être la pièce maîtresse d'une équipe Contenders, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que quand tu vois la tête des autres équipes à l'Est, ça. En fait, tu vois, bah, comme la saison dernière, tu vois, ça peut aller en playoff, ça va arriver en playoff. Il y aura forcément une équipe meilleure en face. Et bah, comme on l'a vu avec Philadelphie, ils n'ont pas été ridicules, mais ça passe pas. Ouais. Donc, je pense qu'il faut l'épauler. Faudrait l'épauler. Il est déjà très bien épaulé, mais peut-être l'épauler un peu plus. Moi, je pense que ce serait pas mal que ce soit lui qui épaule quelqu'un. J'aimerais bien voir, ouais. Bah, un peu comme on a dit avec Atlanta, tu vois. Pour moi, Trae Young, pour moi, c'est pas tellement un leader. J'aimerais bien voir un autre mec à côté qui a un peu plus la carrure, un peu plus les épaules pour mettre des baffes dans la gueule de ceux que. Enfin, pour rendre l'équipe un peu plus sérieuse. Alors, Mikal Bridges a l'air d'être très sérieux, ça, c'est pas le souci. Mais peut-être qu'il manque un peu d'expérience. Il était en finale NBA, mais peut-être encore un peu jeune. Peut-être pas assez solide, je sais pas. Je sous-estime peut-être. J'attends cette saison pour qu'il me confirme, qu'il me montre que, bah, en fait, je suis All-Star. En fait, l'équipe, c'est moi qui la porte. Et si on va en playoff, bah, c'est moi qui dicte le tempo. J'aimerais qu'il me montre ça. En fait, cette année, je vais clairement l'attendre. Pour moi, c'est l'année de confirmation pour Mikal Bridges pour nous montrer qu'il fait partie du top. De ces joueurs-là. Je suis d'accord et je pense que si tu ramènes. En vrai, c'est pas déconnant ce que tu dis sur qui l'épaule quelqu'un, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut que ce soit un big man justement et que tu lui laisses le bas court parce qu'en vrai, il fait ça bien. Et si tu mets. Oui. Bah, en fait, comme on a parlé avec Atlanta, si les deux, on va dire, stars sont dans le bas court, moi je trouve que ça va pas matcher. Ah oui, oui, non, ça oui, bien sûr. Oui, ça j'entends. Ça, j'entends très bien. Non, mais oui, non, mais par contre, avoir un mec sur un poste 3, un poste 4, où ils peuvent se trouver ensemble sur du pick and roll, sur la relation, etc., je pense que ce serait plutôt bénéfique et que ça lui irait très bien. Ouais, moi, je suis d'accord. On enchaîne sur notre prono. Yes. Je récapitule. Miguel, il nous envoie notre promo. Où est-ce qu'il les voit dans le classement? Et il donne également sa note de ça clique ou pas, nouveauté de Wake Up NBA. On donne une note d'intérêt sur l'équipe. Ça va de 0 à 10. À quel point est-ce que tu cliques sur cette équipe chaque soir? On a le droit à un seul 0, un seul 10. Miguel, je laisse parler. Je vais garder mon 0 encore pour plus tard. Là, clairement, il y a. Clairement. Il met du temps à venir ce 0, mais il tombera un jour. Non, moi très très hypé par les Nets cette année, j'ai mis un bon 7 parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. J'espère ne pas être déçu parce que bon, ça m'étonnerait pas qu'à un moment ça enchaîne les défaites. Mais j'ai quand même pas mal d'espoir. Je les mets 9e de la conférence Est, donc okay. au play-in avec l'avantage du terrain sur le premier match. Je pense que ça va nous faire une saison comme on a eu en deuxième partie de la saison dernière. Je pense que ça va être assez intéressant. Ça va être un bilan assez mitigé, je pense, avec autant de victoires que de défaites. Je pense que ça va se qualifier dans le play-in. Après les play-offs, ça sera une autre histoire. Ok. Bah écoute, j'enchaîne. Pour moi, Brooklyn, ça va finir septième au classement. L'objectif, c'est de même pas passer par le play-in, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont le talent, ils ont la profondeur. J'attends la confirmation de Mikal Bridges. Je veux que Jacques Vaughn aussi y confirme. S'il confirme pas, je pense que ça va être le premier à sauter, parce qu'en fait, là, tu as toutes les pièces maîtresses pour que ton jeu d'échecs il se passe parfaitement bien. Donc pour moi, c'est septième. Objectif, pas passer par le play-in, je répète. Et surtout pour la note de ça clique ou pas, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas dans le wagon de Ben Simmons, c'est moi le chauffeur du wagon. Et pour qu'il y ait du wagon de Mikal Bridges, je suis aux premières loges. Donc pour moi, ça va être mon 10 sur 10, il n'y a plus de suspense. Wow. C'est moins clinquant que quand on a Kevin Durant, Kyrie Irving, ça c'est clair. Par contre, on a des joueurs intelligents, on a une vraie équipe, ça a du talent, ça peut attaquer, ça peut défendre, il y a de la profondeur, en soi, il y a tout ce qu'il faut. J'attends de voir, moi, s'il y a une équipe sur laquelle je dois kicker à l'est, je pense que c'est Brooklyn. Ok, donc tu as déjà lâché ton 0 et ton 10. J'ai déjà tout lâché, il n'y a plus de suspense. J'avais hésité avec mon 10 pour une autre équipe, on en reparlera sans doute plus tard. Mais au final, je préfère éviter la facilité et le donner à Brooklyn parce que ouais, en fait, l'équipe, moi, elle me hype de trop. Moi, Mikal Bridges, en fait, là, je suis trop fan. Et Ben Simmons, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Après, attention, si au mois de novembre, je vois que Ben Simmons, problème au dos, problème psychologique, il repasse son temps à jouer sur les jeux vidéo et à passer son temps sur Twitch, on n'est plus sur un 10, on est sur un 6. Ouais. En fait, ta note dépend si ça revient sur l'énergie 12, quoi. Ouais, je pense pas qu'on en soit là, mais... J'espère pas, en tout cas. Mais ouais, ça joue un peu de ça, ouais. Ouais. Mais alors, petite question, parce que tu dis objectif, ne pas passer par le play-in, mais tu les mets dans le play-in, parce que 7ème, c'est le play-in. Hein. Alors, je les mets dans le play-in, mais pour moi, quand t'es 7ème, c'est que t'es dans le play-in, ah. Parce qu'il y a 6 équipes qui vont être meilleures. Mais ton objectif, c'était de finir 5-6ème, tu vois. Ok, donc ouais, toi, tu les vois vraiment aller jouer les... Ok. Pour moi, ça peut doubler certaines équipes. Parce qu'en fait, ils ont le talent pour. Et surtout, je pense qu'ils vont être plus sérieux que d'autres équipes qui, sur le papier, sont peut-être tout aussi forts, voire peut-être même meilleures, mais qui seront moins sérieux. Est-ce tu vois, Atlanta, je les ai mis 8e. Pour moi, sur le papier, c'est peut-être meilleur. C'est moins sérieux. C'est une place derrière. Et est-ce que tu penses que l'objectif avantage du terrain, il est possible ou pas? Non, trop compliqué. Trop compliqué. Je leur souhaite. Je leur souhaite, mais trop compliqué. Okay. Tu veux dire finir dans les 4 premiers? Bah du coup oui, finir dans les 4 premiers. Ouais. Non, trop compliqué, trop juste. À moins que vraiment énorme surprise de Sean Marks au mois de février. Mais même ça, en fait, pour moi, sera déjà trop tard. Ouais. Ouais, non, j'y crois pas. Ok. J'y crois pas. C'est ainsi que s'achève l'épisode des Brooklyn Nets. Je le répète, nous, on n'a pas fini notre marathon. Nos potos Gus et Vince, ils sont encore plus proches de le finir. Allez les écouter, ils s'occupent de la conférence Ouest. Miguel, un dernier mot. Yes, allez tous vous abonner à la chaîne Twitch de Ben Simmons, il fait des lives de fou. En espérant qu'il lâche cette chaîne pendant un petit moment, en tout cas jusque... Allez, j'allais dire jusqu'au mois de juin, peut-être pas, allez jusqu'au mois de mai. Allez, on y croit. Ciao tout le monde. Ciao les gars.